Where you zoo? Guapa. Where you zoo? Gang, gang, gang. La Rose. La Rose. Team problem. One, two. One, two. Entrez en boucle. Qui n'y sait rien qui va moins. Qui pas ta pour moi.